Il y a 2 mois, les chercheurs américains de LIGO nous annonçaient qu'ils avaient pour la première fois observé des ondes gravitationnelles. Le lendemain, tous les médias en parlaient, il s'agit alors de la découverte du siècle. Mais pourtant, comme d'habitude, au bout d'une semaine, l'info est devenue tiède, fade, has-been. Alors comme à Podcast Science, nous n'aimons pas faire du sensationnalisme, un peu plus d'un mois après l'annonce officielle, nous recevons le professeur Michele Maggiore de l'Université de Genève pour répondre à nos questions dans une longue interview à tête reposée. Nous sommes le mardi 5 avril, vous écoutez l'épisode 256, bonsoir et bienvenue. Alors, rapide tour de table, virtuel et physique. Tout d'abord, hein, honneur à la beauté, tout ça. Irène, depuis Santa Barbara. Salut, Irène. Ouh, salut, c'est pour la beauté de Santa Barbara ou pour ma beauté d'abord? La beauté à toi, bien sûr. Salut tout le monde. Salut, Irène, bienvenue. On a Nico à Paris. Salut, Nico. Pour la laideur, salut. Ouais, mais non. On a Robin depuis Paris aussi, avec Boson. Salut les deux. Non? Tant pis, Boson joue avec la touche mute ce soir. on a Johan, normalement à Baltimore, mais ce soir à Paris, en Wi-Fi. Du coup, ce n'est pas dit qu'on l'entende. Johan ? Oui. Bonsoir. Ah, bonsoir, bienvenue. Et puis, autour de la table physique à Lausanne, en Suisse, donc, on a notre community manager préféré, Samuel. Salut. Bonsoir, Sam. Tout le monde. Donc c'est Sam qui nous a organisé cette émission, qui a invité son prof de physique à venir nous parler. Et puis donc bien sûr, on a l'honneur et le privilège de recevoir Michele Maggiore de l'Université de Genève. Bonsoir Michele. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors au sommaire de cette émission, c'est une émission de type interview. Vous n'avez pas trop eu l'occasion d'entendre Samuel sur nos ondes. Pourtant, il fait totalement partie de l'équipe. Il gère les réseaux sociaux, il nous ramène chaque jour de nouveaux auditeurs. Et pour une fois, il nous a ramené un invité de marque. Donc c'est lui qui va faire la présentation de notre invité. Et d'ailleurs, c'est lui qui va conduire l'interview. Donc nous autres, on se tait. Et Sam, à toi la parole. Alors on va peut-être... Déjà, commencer par encore une fois remercier vraiment professeur Maggiore d'avoir pu venir aujourd'hui. Surtout que je sais qu'il est quand même pas mal pris, justement, à cause de cette découverte des ondes gravitationnelles. Donc, pour le présenter rapidement, un vrai spécialiste du domaine. Est-ce qu'on peut dire ça, professeur? Bon, c'est un domaine sur lequel je travaille depuis une vingtaine d'années, en gros. Oui, oui. Et notamment, vous avez écrit un livre de cours sur le sujet, donc... Ça montre qu'il y a quand même vraiment une spécialisation. Oui, un livre qui est utilisé par les chercheurs dans ces domaines. D'accord. Très grand livre, 600 pages, un deuxième volume qui est en train d'être terminé. Donc, bousculez-vous. Bousculez-vous quand il sortira en librairie. Alors, donc, on va commencer tout de suite. Et tout d'abord, je pense qu'il faudrait commencer par le commencement. Mais qu'est-ce que c'est que les ondes gravitationnelles? Alors là, il faut peut-être mentionner que... C'est une notion qui vient de la relativité générale d'Einstein, une des plus belles théories du XXe siècle. Et la relativité générale change vraiment notre vision de l'espace et du temps par rapport à la vision newtonienne, qui est celle de la physique classique, et aussi celle de notre intuition de tous les jours. Et en particulier, dans notre intuition de la vita de tous les jours, l'espace, le temps, un cadre immuable, fixe, quelque chose qui est là, c'est un peu où les choses passent, mais ce n'est pas la chose intéressante en soi. Quand on est à l'école, on commence par dessiner des axes cartésiennes, et ça c'est une manière de mesurer l'espace, mais dans l'espace c'est un conteneur, un peu vide en soi. Après, c'est les choses qui se passent dans l'espace et dans le temps qui sont intéressantes. Et par contre, dans la vision d'Einstein, c'est vraiment très différent, c'est assez révolutionnaire, parce que l'espace et le temps deviennent des acteurs. Deviennent vraiment, et même parmi les acteurs les plus intéressants. C'est quelque sorte, c'est un peu comme si on va à théâtre pour écouter l'opéra, et à un certain moment, c'est les planches qui se mettent à chanter. C'est pas ce qu'on s'attendrait, disons. Je crois que c'est la plus jolie image que j'ai jamais entendue pour parler de l'espace-temps. C'est super. Ah ouais, ça c'est superbe, bravo. Il n'y a que les Italiens qui peuvent nous faire ça, moi, je pense. Ils sont d'un romantisme. Bon. Et donc, on se rend compte qu'il y a un acteur insoupçonné et qu'il y a même l'acteur, le chanteur le plus intéressant. Mais comment c'est possible que l'espace et le temps deviennent quelque chose de vivant, de dynamique? Alors, évidemment, tout ce dont je vais parler a derrière un formalisme mathématique très précis, dont on ne va certainement pas parler aujourd'hui. Effectivement. Donc, on peut parler par analogie. Il y a des analogies avec toutes les limites des analogies qui permettent de comprendre ce qui après est vraiment gravé sulla pierre dans des équations de la théorie. Et une très bonne analogie pour l'espace et le temps, c'est celle d'un tapis élastique. Alors, d'abord, en effet, l'espace, c'est trois dimensions. On a le temps, c'est une quatrième dimension. Pour visualiser sa courbure, on aurait besoin d'une cinquième dimension pour voir comment il s'est immergé dans cette... Et on n'a pas cette capacité de visualiser ni en quatre, ni encore moins en cinq dimensions. Alors, on peut imaginer que l'espace et le temps soient bidimensionnels, comme un feuille de papier, et utiliser la troisième dimension pour visualiser sa courbure. Donc, on peut imaginer l'espace-temps comme un tapis bidimensionnel. Et vous prenez une masse, le soleil, et vous la posez sur le tapis, et le tapis s'enfonce. Cette déformation du tapis, c'est une manière de représenter des choses mathématiquement précises, qui nous dit que la distance parmi les objets change. Si vous imaginez la distance parmi deux objets qui sont sur le tapis, quand le tapis est lisse et quand il est enfoncé, la distance a changé. Donc, l'espace-temps devient quelque chose de dynamique. Vous posez une masse sur le tapis et le tapis s'enfonce. Et après, vous regardez les mouvements des objets dans ces tapis, par exemple les planètes, si on pense au Soleil. Et qu'est-ce qu'ils font les planètes? Dans la vision newtonienne, c'est une vision très musculaire. Il y a une force, le Soleil qui exerce une force sur les planètes, et les planètes tournent autour du Soleil. C'est un peu comme quand il y a une pierre, lì è un fissel, e gli avremo una forza che tira la pierre, c'è una visione muscolare, c'è della forza di gravità nella fisica newtoniana. Par contre, nella visione di Einstein, c'è differente, è très élégant. Effectivement, tous les objets dans ce tapis vont dans des lignes droites. Mais c'est la notion de ligne droite qui change. Vous avez enfoncé cette pièce, ce tapis à cause du Soleil, et alors un objet comme une planète qui se promène dans ce tapis croit d'aller dans une ligne droite, mais finalement c'est une ellipse qui tourne autour du Soleil, comme quand on est sur la surface d'une orange, d'une pomme, on fait le tour, on se retrouve au point de départ. Si on est une petite fourmi sur la surface d'une orange, et on bouge une patte après l'autre, on peut croire d'aller dans une ligne droite. Mais c'est seulement après, globalement, qu'on se rend compte d'avoir fait un tour. Donc, dans la vision d'Einstein, il n'y a pas cette notion de force, mais c'est l'espace-temps qui est déformé, et cet espace-temps déformé détermine le mouvement de la matière. Alors, ça déjà, c'est une vision magnifique, révolutionnaire, qui a plein de conséquences expérimentales qui sont observées. On peut mentionner tout simplement Anne avant d'arriver vraiment aux ondes gravitationnelles. Par exemple, on peut se demander qu'est-ce qu'elle fait la lumière? Elle est attirée par la gravitation ou pas? Dans la physique newtonienne, on ne peut pas répondre à cette question parce que la physique newtonienne intrinsèquement est non relativiste, est bonne pour les objets qui voyagent à une vitesse petite par rapport à la vitesse de la lumière. Et pour la lumière elle-même, on ne peut pas l'appliquer. Donc, c'est une question qui n'a pas de réponse, qui n'est même pas définie. Dans la théorie d'Einstein, la réponse est tout à fait évidente. Qu'est-ce qu'elle fait la lumière dans le champ gravitationnel du Soleil? Elle fait comme tout le monde, elle va en ligne droite. Mais c'est la notion de ligne droite qui a changé. Et alors, effectivement, elle est courbée, la trajectoire de la lumière est courbée par l'attraction du Soleil, d'une manière que la relativité générale peut prédire quantitativement, qu'on a mesurée. Et ça, c'était les premières expériences classiques Eddington, les années 20, et qui avaient confirmé la relativité générale. Aujourd'hui, il y a plein de confirmations expérimentales très précises de la relativité générale, à niveau d'un parti par million. Et donc, la relativité générale est une théorie qu'on connaît très bien et qui marche parfaitement bien. Alors, si on arrive à notre mouton, qui sont les ondes gravitationnelles, les ondes gravitationnelles sont les vibrations de ces tapis. Si vous tapez sur ces tapis, vous générez des vibrations. Pensez à ces tapis comme un tapis élastique. Vous avez des vibrations qui se propagent. Et donc, ce sont des vibrations de l'espace-temps lui-même. Et bon, on peut se rendre compte que ici, la notion d'onde a beaucoup changé par rapport à la notion classique. Nous tous avons l'habitude d'avoir des ondes sur l'eau. On tire une pierre, il se forme des ondes dans l'eau. Et évidemment, dans ces ondes, il y a un mouvement de matière. Il y a des atomes, les molécules de l'eau qui bougent quand l'onde passe. Et déjà dans l'électromagnétisme, les ondes électromagnétiques, c'est déjà une notion différente parce qu'il n'y a pas une substance qui bouge. Au début, dans le 19e siècle, quand les ondes électromagnétiques avaient été découvertes, les gens avaient d'abord postulé l'existence d'une chose qu'ils appelaient l'éther, une substance qui doit bouger quand l'onde électromagnétique passe parce qu'on avait l'habitude qu'il y a quelque chose qui bouge. Et après, c'était encore la relativité, Einstein, qu'on avait compris che non, il n'y avait rien, il propage dans le vide. Mais ici, c'est encore un saut de qualité dans l'abstraction, parce que là, c'est vraiment d'onde d'espace-temps lui-même. C'est, au fond, la notion de distance entre des corps qui change de manière périodique, avec qui vibre avec ces ondes gravitationnelles. Et de toutes les prédictions qu'Einstein avait faites dans la théorie de la relativité, c'était la dernière qu'on n'avait pas pu tester encore, c'est ça? Tout à fait, mais il faut dire que ce n'est pas une prédiction qu'on a testée maintenant avec cette découverte il y a quelques mois. Elle a été testée déjà dans les années 70. Et donc, du point de vue expérimental, on savait déjà que les ondes gravitationnelles étaient bel et bien là. Et c'est très intéressant de comprendre comment ça a été possible. Et ils l'ont découvert dans 1974, et un pulsar binaire. Alors, qu'est-ce que c'est cet objet-là? Il faut dire que les étoiles ont une vie, ils naissent et ils continuent à vivre pendant 10 milliards d'années, notre Soleil, et après ils ont une mort. Quand ils terminent le combustible nucléaire, il y a toute une dynamique très compliquée, et un risultat de cette dynamique, ça peut être che l'étoile s'effondre e forme ou bien un trou noir, ou bien elle peut se stabiliser juste avant de devenir un trou noir, sous une forme qu'on appelle étoile à neutrons. C'est une étoile très petite. Imaginez, pour une étoile comme le Soleil, si on prendrait toute sa masse pour former un trou noir, la taille serait dell'ordre de 3 km. Donc rien. Oui, quelque chose de plus, mais dell'ordre de quelques chilometri. L'étoile de neutrons, c'est une étoile qui a été stabilisée contre cet effondrement gravitationnel juste un peu avant de devenir un trou noir. Donc, c'est une dizaine de kilomètres de rayon. Hein? Donc, rien. Imaginez un objet de la masse du Soleil concentrée dans quelques kilomètres. Alors, parfois, il s'avère que les étoiles sont dans des systèmes binaires. En effet, 30% des étoiles, en gros, sont dans des systèmes binaires. Une étoile explose et finalement termine sa vie comme un'étoile à neutrons. Le système peut rester lié, à ce moment on a un'étoile à neutrons liée à un'étoile normale. Ça va continuer pendant des millions d'années, la deuxième étoile arrive alla fin de sa vie, elle explose et après finalement ça peut devenir un'étoile à neutrons. Et on peut rester avec un système de deux étoiles à neutrons liées en orbite l'un autour de l'autre. Et qu'est-ce qu'ils font ces objets? Ils émettent des ondes gravitationnelles parce qu'ils sont accélérés l'un par l'autre. Et dans cette situation, on a ces tapis qui vibrent. Vous imaginez, c'est des étoiles qui bougent sur les tapis, ils émettent des ondes gravitationnelles. Donc, ils émettent des ondes gravitationnelles très très peu. Mais ils perdent de l'énergie à cause de ça, parce que les ondes gravitationnelles ont de l'énergie. Pour les émettre, il faut perdre de l'énergie. Plus ils perdent de l'énergie, plus ils se rapprochent. C'est un processus très long, ça peut durer des centaines de millions d'années. Mais plus il se rapproche, plus il émet des ondes gravitationnelles. Plus il émet des ondes gravitationnelles, plus il se rapproche vite. Donc la dernière partie de ce processus est vraiment explosive. Et il y a une coalescence des objets qui peut former un trou noir, quelque chose comme similaire. Alors, ce qu'on a vu avec LIGO, c'est effectivement la phase finale de ce processus pour un système de trous noirs. Et le système où on avait déjà détecté les ondes gravitationnelles, c'est un système de deux étoiles à neutrons qui émet très gentiment des ondes gravitationnelles. On peut calculer qu'ils vont faire cette connaissance dans 85 millions d'années, donc ce n'est pas pour tout de suite. On a le temps de se préparer. C'est ça. Ils émettent quand même un tout petit peu d'énergie et ils se rapprochent un tout petit peu. Alors, ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on peut mesurer ces rapprochements des deux étoiles, plus précisément le changement de la période orbitale, du temps qu'ils mettent à faire un tour l'un autour de l'autre. Comment c'est possible dans un système qui a des centaines de milliers d'années-lumière? C'est parce que ces étoiles à neutrons, parfois, ils émettent un signal dans notre direction, on les appelle pulsar dans cette situation, un signal électromagnétique qui nous arrive avec une série de clics, clics, clics, parce que c'est un faisceau qui parfois arrive dans notre direction de vue, c'est un peu comme un phare. Et donc c'est un signal très régulier qui arrive pour ces pulsars de ces systèmes binaires tous les 59 millisecondes. Tous les 59 millisecondes, on a un clic. C'est un peu comme une montre, mais c'est une montre di una precisione incroyable, parce que c'est très difficile de la disturber. Imaginez un objet qui pèse une masse solaire, qui est concentré dans 10 km, c'est très difficile de perturber la régularité de ces signaux. En effet, certains pulsars ont une régularité qui est tout à fait comparable à celle des horloges atomiques, donc la plus grande précision avec laquelle on est capable de mesurer le temps. Et alors, on a ces clics très précis, mais il y a des petits effets qui permettent de voir que ce n'est pas exactement régulier, parce qu'on a ces systèmes binaires, ces deux étoiles à neutrons qui tournent l'un autour de l'autre. L'un c'est un pulsar, l'autre c'est une étoile à neutrons qu'on ne voit pas comme pulsar, mais il y a toute une série de modulations de ces signaux. Vous imaginez quand le pulsar est du côté de l'orbite plus loin de nous, il émette ces signaux, le signal prend un peu plus de temps pour arriver vers nous, parce qu'il doit traverser la taille de l'orbite. Quand le pulsar est plus près de chez nous, ça met un peu moins de temps. Aussi, quand le pulsar est de l'autre côté par rapport à nous, le signal doit s'enfoncer dans ce tapis et remonter. Donc, il y a un tout petit retard, par exemple. Ce sont tous des effets prédits et calculés par la relativité générale qui nous permet d'utiliser cette toute petite déviation par une régularité parfaite pour comprendre comme elle était fait l'orbite et tous les détails de ce système. Alors, vous immaginez qu'on a un signal tous les 59 millisecondes. On a monitoré ce système pour 30 ans, pendant 20 ans, 30 ans désormais. Donc, on a une précision incroyable sur les paramètres de ce système. Je peux vous donner un chiffre qui... c'est la période orbitale, le temps che le système prend pour tourner. Alors, la période orbitale de la Terre autour du Soleil est un an, évidemment. Là, c'est 0,3 jours, c'est 8 heures. Mais je vais vous donner ce nombre avec tous les chiffres qui ont été mesurés, pas parce que les chiffres sont intéressants en soi, mais parce que c'est intéressant de comprendre combien de chiffres, avec quelle précision on est capable de mesurer. Alors, la période orbitale de ce système, un jour, est 0.32299744489390, avec un erreur de 4 sur la dernière chiffre. C'est précis. Quelque chose de mesuré avec une douzaine de chiffres décimales, c'est impressionnant. Uh-huh. On arrive à faire cette chose justement parce qu'avec un signal tous les 59 millisecondes pour 24 ans, vous arrivez à détecter toutes les petites déviations. C'est incroyable, hein? C'est fou hein, cette précision. C'est parmi les mesures les plus précises de la physique. C'est assez fascinant. On peut mesurer avec cette précision et on peut calculer avec cette précision parce qu'il y a plein d'effets dont il faut tenir compte pour calculer à ce niveau de précision. Et bien, alors, on peut aussi mesurer les masses de ces systèmes. Et là aussi, on a une précision incroyable. On sait que la masse de la pulsar est 1.4414 masse solaire. C'est la masse connue avec la plus grande précision pour un objet en dehors du système solaire. Donc, on connaît tout de ces systèmes. D'accord. Je pense qu'on vous fera revenir sur les pulsars une fois. Ouais, c'est un bon sujet, ouais, effectivement. Parce que c'est facile. Surtout, vous venez de dire que vous connaissez tout sur les systèmes. Alors là, j'avoue, je suis assez pantoise, donc je veux tout entendre, oui. Oui. Juste pour conclure donc, cet aspect-là, on peut calculer la variation de la période orbitale due all'emissione d'onde gravitationnelle, prédite par la relatività générale, e on peut la mesurer, cette variation de la période orbitale. Donc, on a mesuré et calculé ces choses. Ils sont en accord parfait avec, encore une fois, une précision de 5 à 6 chiffres décimales. Donc, on avait une preuve de l'existence des ondes gravitationnelles. La période orbitale change par émission d'ondes gravitationnelles. On ne détectait pas les ondes gravitationnelles elles-mêmes, mais les changements de la période orbitale. Avec une très grande précision, on a un accord magnifique avec la prédiction de la relativité générale. Donc, dans ce sens, on savait déjà qu'il y avait les ondes gravitationnelles. Et effectivement, pour ces expériences, Hals et Taylor ont reçu le prix Nobel en 1993, donc il y a même le tampon du prix Nobel. Donc, on savait déjà expérimentalement que les ondes gravitationnelles existent dans ce sens. D'accord. Okay. Bah, je me rends compte que je prends mes vieilles habitudes de dictateur, mais qu'en fait, c'est notre ami Sam qui doit conduire l'interview. J'arrête d'interférer, Sam, on t'écoute. Oui. Et donc, vraiment, la grande différence entre la découverte de LIGO et celle de Hals et Taylor, c'est vraiment le fait qu'en fait, LIGO a été... C'est une observation directe, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Il y a ce système qui est des trous noirs qui a fait cette coalescence, c'est la phase finale, quelque chose d'explosif, on reviendra sur combien explosif, et une quantité énorme d'ondes gravitationnelles, même si c'était à distance énorme, ils sont arrivés chez nous et ils ont fait vibrer, dans quelque sens, la distance entre les miroirs de LIGO. Donc c'est une détection directe, mais on peut se dire, bon, et alors on savait déjà qu'il y avait, c'est qua la grande différence. La vraie différence, c'est que maintenant on peut commencer à utiliser les ondes gravitationnelles pour faire de l'astronomie, peut-être même de la cosmologie. On les utilisera pour esplorer l'univers, parce que on a un nouveau télescope, quelque sorte. Allora, quando on a fait en astronomie, disons, l'astronomie est née évidemment avec l'astronomie classique, avec la lumière visible. Avec la lumière visible, on voit un univers qui a un aspect, on peut dire, assez tranquille, ma il y a le planète qui tournent autour des étoiles, c'est une vision de l'univers assez, je dirais, tranquille. Après, on a ouvert de nouvelles fenêtres, on a commencé à explorer l'univers avec des longueurs d'onde différentes, toujours dans le spectre électromagnétique. Par exemple, les rayons X, les rayons gamma, ou de l'autre côté du spectre, l'infrarouge. Chaque fois, on découvre des choses différentes, on voit un univers différent. Quand on a commencé à explorer l'univers avec les rayons X, on a découvert un univers violent, avec des trous noirs, des sursauts gamma, dans les rayons gamma, et des trous noirs supermassifs, des choses invisibles à lumière normale, dans l'optique, comme on dit, avec la lumière visible, mais visible dans ce sens plus général, avec des longueurs d'onde différentes. Dans les micro-ondes, on a découvert la radiation de fond, qui est quelque chose qui nous vient du Big Bang, donc c'est des informations encore totalement différentes. Et chaque fois qu'on a utilisé de nouvelles fréquences dans le spectre électromagnétique, on a littéralement ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers. Et alors là, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec les ondes gravitationnelles qui promet d'être encore plus différente de tout ce qu'on connaît. Par exemple, on a vu en ondes gravitationnelles ces événements absolument cataclysmiques. On va revenir sur combien d'énergie a été émise, qu'on ne voit pas en lumière visible. Pour vous donner une idée de combien d'énergie a été émise dans ces événements, donc pour venir à l'événement de LIGO, c'était des trous noirs d'environ 30 masses solaires chacun qui ont fait cette coalescence. Donc finalement, ils l'ont fusionné dans un trou noir plus grand d'une soixantaine de masses solaires. Dans le processus, ils ont libéré une énergie qui correspond à 3 masses solaires. Ça veut dire, avec la formule d'Einstein, le fameux mc², a une masse associée à une énergie. Et c'est une énergie énorme. Vous pensez que le mc² associé à l'énergie libérée par des noyaux, et c'est l'énergie nucléaire qu'on connaît. Alors là, il y a une masse comme la masse du Soleil fois c², donc c'est une énergie immense, même 3 masses solaires, qui se sont vaporisées en ondes gravitationnelles dans quelques millisecondes. Donc, dans moins que 10 millisecondes, il y a eu l'équivalent de l'énergie des 3 soleils qui se sont vaporisés en ondes gravitationnelles. Vous imaginez bien que c'est un événement incroyable, inimaginable. les astrophysiciens, les physiciens parlent de luminosité, c'est l'énergie qu'on émet par unité de temps. Alors, c'était environ 200 masses solaires par seconde. Bon, ça n'a pas duré une seconde parce qu'il n'y avait pas 200 masses solaires. Mais c'est comme si on génère de l'énergie à un rythme de 200 soleils par seconde. À cette énergie, une luminosité, une énergie par unité de temps, qui à ce moment-là était 10 fois plus grande que toute l'énergie émise par toutes les étoiles, toutes les galaxies de l'univers observable. Donc, c'est quelque chose qui laisse sa mot, pas tout le monde, le, qui s'appelle Pantois. C'est ça, Pantois, on est tous Pantois là. Et vous imaginez qu'un événement comme ça, on ne les voit pas dans les ondes électromagnétiques, il n'y a rien. Et donc, c'est vraiment une nouvelle fenêtre incroyable qui s'ouvre. Et du coup, justement, puisqu'on a cette incroyable énergie qui est envoyée en ondes gravitationnelles, mais qu'est-ce qui va se passer quand une onde va taper un objet ou qu'est-ce qui va arriver à cet objet? Alors, en effet, toute la difficulté de la détection des ondes gravitationnelles, c'est que la force gravitationnelle est très, très faible. Bon, pour nous, sur la Terre, ça semble quelque chose d'important parce qu'il y a la masse très grande de la Terre qui nous attire. Mais si vous allez mesurer la force gravitationnelle entre deux particules élémentaires, par exemple des protons, des atomes, c'est un facteur, c'est plus petit de la force électromagnétique, d'un facteur que je ne me rappelle même plus parce que c'est tellement de zéro, 10 puissants, c'est peut-être 20 ou 30 zéro et après un. C'est très petit. Ça devient important sur une échelle astronomique, tout simplement parce que la force gravitationnelle est quelque chose qui va se soumettre, dans le sens chaque petit bout de matière exerce une force qui va se soumettre avec la force des autres petits bouts de matière. Par contre, la force électrique a des charges positives et négatives qui vont se neutraliser. Donc, dans le monde de la physique des particules, par exemple, la force gravitationnelle n'a aucun rôle, c'est trop petite. Mais dans l'univers, sur des très grandes échelles, l'échelle cosmologique, par esempio, è la forza la più grande, la più importante, perché il y a tous ces effets cumulatifs de la force de toutes les étoiles dans une galaxie, etc. Alors, quand une onde gravitationnelle arrive sur les miroirs de ces interféromètres, on reviendra peut-être sur qu'est-ce que c'est un interféromètre après. Ouais, juste après. Et il fait vibrer les miroirs, mais d'une quantité ridicule, environ un millième de la taille d'un proton, même pas d'un atome, d'un proton. Donc, c'est un effet infime. C'était là toute la difficulté de la détection. Donc, pour revenir à la demande de Sam, qu'est-ce qu'il fait par une onde qui passe, par exemple, à travers notre corps? Rien du tout, on ne sent rien. Même les neutrinos, qui sont des particules qui passent à travers notre corps tout le temps, sans aucune interaction. Et là, c'est, les neutrinos ont une interaction qu'on appelle l'interaction faible, qui quand même est beaucoup plus forte che l'interaction gravitationnelle. Un neutrino passe à travers la Terre sans aucune déflexion, sans aucune interaction, typiquement. Là aussi, c'est la grande difficulté des expériences qui essaient de détecter les neutrinos. Il faut un grand flux de neutrinos pour espérer d'en détecter un parfois. Alors, pour les ondes gravitationnelles, c'est encore plus difficile. Il faut des événements titanesques. Et même comme ça, leur effet est infime. D'accord. Et donc, voilà, on peut commencer déjà à essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'un interféromètre, parce que du coup, c'est vraiment ce dispositif qui a permis de détecter les ondes gravitationnelles dans le cas de LIGO. Oui, alors, comment on fait pour les détecter? Il y a toute une longue histoire. Il faut dire que cette découverte est vraiment l'aboutissement d'environ 50 ans de développement technique, expérimental et théorique aussi. On avait commencé dans les années 60 avec des objets qu'on appelait des barres résonantes. C'est des gros cylindres d'aluminium, typiquement, avec une fréquence typique de résonance. Chaque objet a des fréquences typiques. Si vous les touchez, comme une clochette, il émet un son spécifique. Alors, si la fréquence était celle de l'onde gravitationnelle, on espérait d'avoir une vibration que vous pouvez détecter. Alors, ça, c'était des expériences petites. C'était une personne avec un professeur avec ses deux assistants qui essayaient au début de faire ces expériences. Désormais, les expériences comme LIGO, les interféromètres, c'est des groupes de 3000 personnes, des 1000 personnes. Donc, l'interféromètre, c'est essentiellement c'est un laser très puissant, qui arrive sur un miroir. Donc, le faisceau du laser est divisé en deux parties. Il fait deux chemins différents. Au bout de chaque chemin, il y a un autre miroir qui renvoie la lumière et il y a une interférence. Si on change un peu la distance que la lumière va parcourir dans ses bras de l'interféromètre, il se change la manière de, où la lumière se recombine quand il se retrouve après ses allers-retours. C'est une manière très sensible de mesurer des distances, assez classique en physique. D'ailleurs, la première expérience, on parlait de l'éther tout à l'heure, la première expérience, il y a plus d'un siècle, évidemment, qui avait montré qu'il avait passé ses éthers, c'était l'expérience de Michelson avec un interféromètre, ancora un po'. Allora, l'idea è di ricombinare questi faisceaux di lumière e quando l'onda gravitazionale arriva, se le bras dell'interferometro sono a 90 degré, quando l'onda gravitazionale arriva, selon sa direzione, un bras dell'interferometro diviene un po' più petit, l'altro un po' più grand, e la différence de chemin della lumière che aprì in direzione par rapport alla lumière che aprì l'altra direzione, e on arriva a la mesurer en principe avec une très grande précision. Mais comme je disais tout à l'heure, alors c'est quoi le déplacement de ces miroirs? Alors vous pensez que la taille d'un atome, c'est, dis-moi, 8 cm, on l'appelle Angstrom. La taille d'un noyau atomique, beaucoup plus petite, est, dis-moi, 13 cm, ça veut dire 10 000 fois plus petit qu'un atome. Et ça, c'est donc un noyau. Le déplacement de ces miroirs est 1000 fois plus petit que la taille d'un noyau. No, c'est ridicule. On peut se dire, mais c'est impossible. Comment on peut mesurer le déplacement d'un miroir? Vous imaginez, c'est des miroirs qui forment les bras d'un interféromètre sont à une distance de 4 km. Si on donne un tube vide où il y a ces lasers qui font des allers-retours parmi les miroirs, on veut mesurer un déplacement de 1000 fois plus petit que la taille d'un proton, d'un noyau atomique, sur 4 km. C'est possible, on se dirait. De plus, on peut se dire, mais la surface du miroir n'est même pas définie à ce niveau de précision. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, il y a toute une série de choses. Je ne vais pas rentrer évidemment dans les détails, mais peut-être des choses sont intéressantes pour comprendre au moins conceptuellement comment c'est possible. Premièrement, c'est bien défini parce que ce faisceau laser, c'est un énorme faisceau laser. Il a un diamètre de 12 cm. Ce n'est pas le laser d'accord. qu'on utilise. Ce n'est pas pour jouer avec le chat. Non. Donc, 12 cm. Il va moyenner sur toute la surface du miroir. Donc, on moyenne sur toutes les petites irrégularités. Chaque atome, en soi, bouge plus que ça. Mais évidemment, tous ces mouvements sont au hasard et ils se moyennent à zéro. S'il y a par contre un mouvement global il peut ressortir par rapport à tous ces mouvements un peu au hasard. Donc au moins, c'est bien défini ce déplacement. L'autre chose très importante, c'est qu'on ne mesure pas vraiment les mouvements du miroir dans le temps. Parce que ça serait impossible, effectivement. Ce qu'on fait, on regarde en fréquence. C'est comme à la radio, on peut décomposer un signal électronique dans des différentes fréquences. Il y a des composants du mouvement qui bougent très lentement, des composants qui bougent très vite. Alors, les composants du mouvement, pour les personnes un peu plus techniques, on peut dire, sont transformés de Fourier. Ça veut dire on transforme l'évolution du signal dans le temps dans un signal dans l'espace de fréquence. On regarde seulement certaines fréquences, ce qui n'est pas quelque chose de très spécial. Quand vous êtes dans la voiture et vous cherchez une station radio, évidemment, si vous cherchez la bonne fréquence pour ce signal, si vous mettez au hasard, vous n'avez que du bruit. D'accord? Donc, on cherche que des fréquences très précises. Si vous êtes à des petites fréquences, une dizaine de Hertz, toutes les choses qui vibrent avec cette fréquence, ça veut dire une fréquence de 10 fois par seconde, sont des bruits avec lesquels c'est difficile, c'est impossible de gagner. Mais si vous allez à des fréquences comme les kilohertz, il n'y a pas beaucoup de choses qui font vibrer votre miroir à une fréquence de 1000 vibrations par seconde. Un miroir qui est quand même un objet de 40 kilos, et donc la plupart des bruits sont éliminés à cette fréquence. Par exemple, les bruits du poids lourd qui passe un kilomètre de distance à la fréquence de quelques hertz, c'est énorme, c'est beaucoup plus grand que le signal attendu par l'onde gravitationnelle, mais ce n'est pas un signal que vous retrouvez au kilohertz, disons. Donc ça, c'est peut-être des aspects peut-être un peu techniques, mais importants pour comprendre. Au moins que ce déplacement est bien défini parce que c'est un déplacement global de tous les miroirs et qu'on les regarde dans des fréquences très spéciales où on essaie de on a des chances de vaincre les bruits. Ça, c'est encore très difficile, mais au moins, on a des espoirs. Alors, pour vous dire quelques prouesses techniques qu'on fait pour vaincre ces bruits, vous imaginez que, alors, par exemple, les bruits sismiques sont toutes des vibrations très grandes, hein, et on fait une atténuation du bruit sismique d'un facteur 10 milliards. Les bruits sismiques atténués d'un facteur 10 milliards de fois. Donc, on les appelle super atténuateurs, absolument extraordinaires. Même comme ça, ce n'est pas possible de voir des signaux à basse fréquence, 10 Hz. Mais au kilohertz, oui. Les lasers, je disais, il y a un faisceau laser qui fait des allers-retours. Je disais que ce n'est pas les lasers que nous avons dans les pointeurs. Alors, vous imaginez, il y a 750 kW de lumière laser qui circule dans ces interféromètres. Alors, ça commence avec un laser déjà très puissant avec des 1 watt. Des 1 watt, c'est un bon laser. Mais après, on réinjecte cette lumière laser dans l'interféromètre avec des astuces et la puissance monte jusqu'au point que vous avez 750 kW, milliers de watts de puissance laser qui circule. C'est une chose incroyable. Vous imaginez, par exemple, ces miroirs, comme ils se réchauffent. Donc, vous imaginez toute la technologie pour ces miroirs. Les refroidir et tout ça, ils ne sont pas encore refroidis. Ça sera pour une prochaine génération d'expériences. Il y a des coatings, comme on dirait en français. Des revêtements. Oui, des revêtements. Il y a eu une recherche très importante dans cette direction, par exemple. Et, par exemple, ces miroirs sont polis à une précision de 10 parts par million. Ce qui veut dire que les irrégularités de ces miroirs sont, si je suis technique, 0,1 nanomètre, c'est plus ou moins la taille d'un atome. Sont polis à une précision qui est la taille d'un atome. Mm-hmm. Et sont des miroirs de 40 kg et qui font 30-40 cm de taille. D'accord. Quel genre de papier de verre on utilise pour polir à la taille d'un atome? Mais j'ai une belle photo que je ne sais pas si tu peux mettre dans la... On voit un de ces miroirs, si tu l'as... Est-ce que je l'ai là-dedans? On va essayer. Évidemment, c'est des prouesses techniques incroyables du point de vue technologique. Justement, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on travaille à ces expériences, en améliorant à fur et à mesure tous les aspects. Oui, parce que d'ailleurs, LIGO, c'est déjà Advanced LIGO qui a fait la découverte. Qui avait déjà... Tout à fait. Il y a eu la première génération d'interféromètres, c'était LIGO, comme on dit all'anglais, ou LIGO, e Virgo, che è l'interferometra PIS italienne, che ha pris le données dalla première phase, initial LIGO, initial Virgo, donc la phase initiale. Pendant quelques années, ils ont pris des données. Après, ils alternaient des périodes de prise de données, des périodes d'amélioration de l'instrument, comme on fait toujours dans ce genre de situation. Après, ils ont vraiment fermé l'interférométrie initiale pour faire des changements plus importants avec tout ce qu'ils avaient appris aussi pour manier ces interférométres. Et ils ont fait Advanced LIGO, Advanced Virgo est ancora in costruzione. Et ils ont commencé à reprendre des données. Pour comprendre combien c'est important de faire ces améliorations, l'amplitude de l'onde gravitationnelle, son intensité, est inversement proportionnelle à la distance. Plus l'objet, plus la source est distante et plus le signal est petit. C'est 1 sur la distance. Alors, si vous améliorez d'un facteur 10 votre sensibilité à l'onde gravitationnelle, ça veut dire que vous êtes capable d'explorer des distances 10 fois plus grandes et donc un volume 1000 fois plus grand. Et donc, vous avez 1000 fois plus de sources potentielles. Donc, c'était ce saut d'initial LIGO à Advanced LIGO qui a fait la différence. Et je trouve que c'est aussi quelque chose qui est assez fou parce que c'était justement après une remise en route qu'il y a eu la découverte. C'était vraiment, je crois, dans les premières semaines. Oui, en effet, c'est même avant la mise en route. Ça, c'est intéressant parce qu'ils avaient décidé de commencer les runs, la prise de données de Advanced LIGO, je crois, le 20 septembre 2015. Et ils étaient en train de faire des tests, mais disons, tout était prêt déjà quelques jours avant. Donc, autour du je pense, le 10 septembre, le 12, quelque chose comme ça. Tout était prêt. On était en train de faire ce run, engineering run, comme on les appelle. Ce run où on essaie de vérifier que tout marche bien. Mais tout était prêt. Le détecteur était à ce moment-là en mode d'observation. Et il prenait des données, même si officiellement le début du run était programmé pour quelques jours, pour le 20 septembre. Et le 15 septembre est arrivé le signal. C'est génial cette histoire, j'adore. C'est fou, on ne sait même pas combien de millions d'années il aurait fallu attendre si on l'avait démarré trois jours trop tard. Non, là je pense que... ceci montre qu'on est désormais à la sensibilité pour voir des signaux comme ça de manière assez régulière. D'accord, parce que ça arrive souvent. Pardon ? Ça arrive souvent. Et pour l'instant, on n'a qu'un signal. Oui, c'est ça. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont encore les gens de LIGO, parce que LIGO a pris des données pour 4 mois, de septembre d'accord. à fin janvier. Ok. Ils savaient tout de suite qu'ils avaient ce signal, était tellement straordinaire, tellement fort qu'ils ont tout de suite compris que c'était quelque chose d'important. Ils ont commencé par analyser une vingtaine de jours de données autour de ce signal, qui était le minimum nécessaire pour obtenir un résultat significatif du point de vue statistique. Je ne vais pas rentrer dans ce détail qui serait un peu technique. Mais ils ont encore plein de données à analyser. Donc, ils ont donné les résultats de l'analyse de 20 jours des prises de données, ils ont 4 mois de prises de données. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a encore. Je crois que prochainement, ils vont donner toutes les données qu'ils ont prises. Et bon, si le taux est d'un événement tous les 20 jours, comme ça semble être le cas avec cette détection, peut-être qu'il y aura quelque chose encore, ça, j'ai aucune idée. Mais sinon, ils continueront à prendere d'autres données et améliorer les détecteurs. Ils ne sont pas encore au niveau de sensibilité finale d'Advanced LIGO. Au niveau de sensibilité finale, ils auront beaucoup plus d'événements qu'aujourd'hui. Donc, l'espoir, c'est vraiment de voir beaucoup d'événements et aussi de les voir très bien, dans le sens, les physiciens utilisent l'expression rapport signal-bruit, dans ce sens, de combien votre signal est plus grand que les bruits, parce qu'il y a, évidemment, il y a tous ces bruits avec lesquels il faut se battre. Si un signal est juste sur la seuil du bruit, c'est difficile d'être sûr que c'est quelque chose de vrai. Même si c'est grande, mais pas trop, c'est difficile après de comprendre toutes les caractéristiques du signal. Alors, dans ce cas, le rapport signal-bruit de ces événements qu'ils ont détectés était 24, ça veut dire que c'était... Dans quelque sens, ça c'est un peu technique d'expliquer mieux, mais disons 24 fois plus grand que le bruit typique du détecteur. Donc il n'y avait déjà aucun doute. Il n'y avait aucun doute. Pour dire les choses de manière plus précise, c'est quand même important, ils sont capables d'estimer les bruits dans les détecteurs, parce qu'ils ont deux détecteurs et ils font des coïncidences. Ils veulent voir le même signal dans un détecteur et dans l'autre. Et après, ils peuvent estimer combien de coïncidences on a par hasard, tout simplement à cause des bruits. Et c'est une manière très simple. On prend les données d'un détecteur, les données dell'autre, et on les met en coïncidence avec un décalage temporel qui fait que sont tous des coïncidences fictives, c'est tout du bruit. Vous pensez que la lumière met quelques dizaines de millisecondes pour aller d'un détecteur à l'autre. Si vous faites un décalage artificiel des données d'un détecteur par rapport à l'autre d'une seconde, toutes les coïncidences que vous trouvez sont dues au bruit, sont là par hasard, il n'y a rien de vrai. Alors, vous pouvez faire ça pour un décalage d'une seconde, après vous faites la même chose avec un décalage de 2 secondes, 3 secondes, vous accumulez une quantité énorme de temps équivalent de bruit, disons. Et de cette manière, ils ont, avec 16 jours de données en coïncidence, ils ont l'équivalent de 100 000 années de bruit. Parce que vous prenez 16 jours et vous les décalez pour combien de fois? 16 jours divisé par 0,1 seconde. Donc, ça vous fait 200 000 années. Alors, en 200 000 années de bruit, il n'y a même pas un événement aussi avec un rapport signal-bruit aussi grand que ce que vous voulez voir. Donc, ça souligne encore une fois vraiment toute l'énergie qui est... Oui, l'énergie énorme. Évidemment, quand ils arrivent sur Terre, l'énergie est très petite. Ces événements se passaient à une distance de 600 mégaparsecs, un milliard d'années-lumière, en gros. Donc, c'est devenu très petit le signal. C'est à distance vraiment cosmologique. C'est, c'est évidemment pas dans notre galaxie et même dans les galaxies les plus près de nous. Pour donner une idée des échelles typiques des distances, peut-être ça c'est intéressant pour comprendre la signification de cet événement. Et la taille typique, la distance typique parmi des étoiles, les astronomes l'appellent le parsec. C'est environ 3 années-lumière. La lumière prend 3 ans à faire ce parcours. La taille typique d'une galaxie est une dizaine de kiloparsec. Le kiloparsec, c'est 1000 parsec. On a déjà fait un bond d'un facteur 1000. La distance typique parmi les galaxies, c'est le mégaparsec. C'est le million de parsec. Là, cet événement-là vient d'une distance d'environ 400 mégaparsec. Donc 400 D'accord. millions de parsec. Donc c'est une distance immense. Et donc, le fait aussi qu'on imagine qu'on peut vraiment avoir un grand nombre de détections donc gravitationnelles, ça veut quand même dire que dans l'espace, il y a un nombre incroyable de ces systèmes binaires de 2 étoiles ou de 2 trous noirs qui sont autour et qui collisionnent. Donc, c'est quand même fou. Oui, effectivement, disons, les événements en soi sont très rares. Par exemple, dans notre galaxie, on peut estimer que des événements comme ça, il peut y avoir... peut-être un ou deux dans l'histoire de la galaxie, disons, dans des milliards d'années. Et c'est justement la raison pour laquelle il faut des détecteurs très sensibles qui soient capables d'explorer des distances très, très loin, très lontaines. Parce que comme ça, on a des millions, voire des milliards de galaxies. Et donc, même un événement qui se passe une fois chaque milliard d'années dans une galaxie, si vous avez accès à des milliards de galaxies, vous avez la chance de les trouver avec, dans le temps de vie humaine ou dans le temps de vie de prise de données, disons. Mais c'est vrai que maintenant l'espoir, c'est d'avoir peut-être même des centaines d'événements par an, surtout quand on sera à la sensibilité finale. Ah oui, carrément. D'accord. Oui, parce que justement, il y a ces effets que même des petites améliorations dans la sensibilité, après, un facteur 2 de l'amélioration sur l'onde gravitationnelle, c'est un facteur 2 sur la distance, un facteur 8 sur le volume qu'on explore, donc sur le nombre de sources. Donc, ça sera très intéressant de voir qu'est-ce che LIGO sortira comme données à la fin de ces runs. On aura une idée plus précise des taux de ces événements. Mais on peut bien espérer que quand on sera la sensibilité de Advanced LIGO, sensibilité qu'on imagine d'avoir dans un par d'années, je pense, on aura des dizaines, peut-être des centaines d'événements par an. Ça serait formidable. Ah oui, ce serait vraiment bien. Et donc, avec tous ces événements, qu'est-ce qu'après on pourra... déduire, qu'est-ce que ça va nous apporter vraiment, qu'est-ce que c'est en fait cette nouvelle branche de l'astronomie, l'astronomie gravitationnelle pourrait nous permettre de découvrir, nous permettre de voir. Oui, donc comme je disais, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur l'univers et donc il y a plein de choses qu'on peut espérer de comprendre. Peut-être la plus intéressante, c'est qu'on trouvera des choses qu'on n'a même pas imaginées. C'est toujours comme ça quand on ouvre une nouvelle fenêtre. Mais c'est ça, ouais, absolument. Ce n'est pas forcément ce qu'on va trouver ou surtout ce qu'on pourra en faire. Ça arrive tout le temps absolument, en science. Absolument. C'est que c'est passé toujours quand, dans l'astronomie, on a ouvert de nouvelles fenêtres avec les rayons gamma, les rayons X, etc. On s'est retrouvé avec le Wi-Fi. Mais c'est clair qu'il y a plein de choses qu'on s'attend, par contre, de comprendre. Déjà, qu'est-ce qu'on a compris déjà avec cette découverte? Par exemple, on a détecté pour la première fois un système binaire de 2 trous noirs. C'est la première fois qu'on connaissait des systèmes binaires de 2 étoiles à neutrons, comme je disais au début de l'émission. On ne connaît une demi-douzaine, en gros. Il y a ce système de Hulse-Taylor qui a amené au prix Nobel, il y en a d'autres qui sont connus. Et donc, on savait que des étoiles à neutrons peuvent exister dans des systèmes binaires. C'est la première fois qu'on trouve un système binaire de 2 trous noirs. Ça, c'est aussi intéressant pour les astrophysiciens, d'ailleurs, parce qu'il nous dit quelque chose sur l'évolution stellaire. Il y avait des théories qui disaient que peut-être on n'aurait pas trouvé le système binaire des trous noirs, parce que typiquement, avant qu'il se forme les 2 trous noirs dans le système binaire, une étoile explosait et après elle est devenue un trou noir. L'autre étoile, bon, avant d'exploser, l'étoile devient très grande, géante, rouge, et finalement le trou noir va bouger dans tous les gaz de l'autre étoile, quand l'autre étoile est devenue très grande. Donc il sait qu'à cause della friction, elle tombe sur l'autre étoile avant que l'autre étoile ait le temps d'exploser et devenir un trou noir. Donc, par exemple, il y avait des théories en astrophysique qui disaient que peut-être on n'aurait pas vu ce genre d'objet. Les taux étaient beaucoup plus bas à cause de cette phase que pour les scientifiques qui évidemment, éventuellement nous écoutent s'appelait des phases of common envelope evolution. Et par contre, non, ces systèmes sont bel et bien là, en taux observable. Aussi, c'est la première fois qu'on observe des trous noirs aussi lourds qu'un trentaine de masses solaires. Dans le sens, il y a des types de trous noirs qu'on connaît. Il y a les trous noirs supermassifs, des millions, voire milliards de masses solaires. On sait aujourd'hui qu'ils sont au centre de toutes les galaxies. Ils ont une histoire totalement différente des trous noirs stellaires. Probablement, bon, c'est pas tout compris, mais probablement les galaxies vont fusionner l'un avec l'autre, et quand l'on se collisionne, c'est merging, les trous noirs centrales vont aussi se fusionner dans quelques millions d'années et forment un trou noir plus grand. Et à fur et à mesure, se forment des trous noirs des millions, voire milliards de masses solaires. Même dans la nostra galaxie, il y a un trou noir de 2 millions de masses solaires au centre. Mais pour les trous noirs stellaires, de quelques masses solaires, pas des millions ou milliards, les trous noirs qu'on imagine sont venus des... Petits trous noirs, quoi. C'est ça. Normal, ouais, c'est ça. on ne connaissait une vingtaine, tous avec des systèmes binaires d'une étoile qui tourne autour d'un trou noir. Ces étoiles, bon, les gas de l'étoile attirés par les trous noirs, quand les gas tombent sur les trous noirs, il émet beaucoup de radiation X, rayon X. On voyait ces rayons X, on appelait ça X-ray binaries, les binaires à rayon X. Et de cette manière, on connaît environ une vingtaine de systèmes binaires avec un trou noir et une étoile, et on pouvait mesurer plus ou moins leur masse, c'est typiquement entre 5 et 10 masses solaires. Quelques trous noirs jusqu'à 20 masses solaires, mais justement les plus lourdes étaient celles dont la masse n'était pas bien mesurée. C'est la première fois qu'on détecte des trous noirs de 30 masses solaires, on a vu deux, et on était même là quand il s'est formé, quand il est né, ce trou noir de 60 masses solaires qui est l'état final de cette collision. Donc on a trouvé pour la première fois des trous noirs de 30 masses solaires et un trou noir de 60 masses solaires. Donc ce sont tous des objets nouvelles dans les eaux de l'astronomie. On a une question de Will dans la chatroom en parlant de systèmes binaires qui demande si seuls les systèmes binaires génèrent des ondes gravitationnelles ou si c'est plutôt que ce sont les seuls qui génèrent des ondes détectables. Oui, c'est une très bonne question. Ce sont les seuls qui détectent des ondes détectables parce qu'a priori, tous objets qui bougent sur notre tapis élastique génèrent des ondes. Mais pour générer des ondes détectables, il faut vraiment des choses titanesques. Donc, là, les trous noirs ou les étoiles neutrons sont l'objet parfait parce qu'une masse énorme, quand même, 30 masses solaires, concentrée da quelques dizaines, centaines de chilomètri. Pour un objet di una masse solaire, la taille d'un trou noir è 3 chilomètri. Pour un objet di 30 masses solaires, c'est une centaine de chilomètri. Donc, une densité d'énergie énorme. Et ces objets ont une accélération énorme parce que c'est l'accélération essentiellement qui génère des ondes gravitationnelles. Des objets qui bougent de manière en ligne droite, en quelque sorte, ne mettrait pas des ondes gravitationnelles. Là, par contre, donc il faut des très grandes accélérations. Alors, pour vous dire à quel niveau d'accélération on est arrivé dans ce système qui a fait la coalescence, dans la phase finale de la coalescence, ces deux trous noirs tournaient l'un autour de l'autre avec une fréquence de presque une centaine de Hertz. Bon, 75 Hertz alla fin, 70 fois par seconde. Donc, vous imaginez, ces choses qui sont incroyables. Donc, vous avez des objets de 30 masses solaires concentrés dans moins de 100 km. Déjà imaginez ça. C'est incroyable. Ouais. Qui tournent l'un autour de l'autre, pas avec une période comme un an, la Terre autour du Soleil, mais quelques dizaines de millisecondes. Ouais. Donc, dans un secondo, ils font des centaines de tours, au moins dans la phase finale, disons. C'est complètement fou. Donc, vous imaginez les accélérations monstrueuses qui sont en jeu, la vitesse, la phase finale de la coalescence, la vitesse relative de ces deux objets est la moitié de la vitesse de la lumière. OK. Alors là, on ne parle pas d'un électron ou d'un proton. Au CERN, on accélère les particules à des vitesses. À ces vitesses-là, oui, mais c'est une particule à la fois. C'est un objet de 30 masses solaires, ouais. Deux objets de 30 masses solaires qui vont faire un choc l'un contre l'autre à une vitesse relative de la moitié de la vitesse de la lumière. Donc, c'est pour... mieux de ne pas être dans les parages. C'est pour ça qu'on arrive à voir ces événements, même s'ils sont à distance cosmologique, justement, on disait un miliard d'années-lumière, en gros. Donc oui, la question est très bonne. On arrive à les voir parce che l'accélération, le paramètres du système sont tellement extrêmes. Et c'est d'ailleurs aussi ça, vu que j'avais mis le son dans le teaser de la semaine dernière, c'est qu'ils avaient pris les fréquences et qu'ils avaient décalé de manière à ce qu'elles soient audibles. Et on entend bien ce chirp, ce qu'on appelle en physique. C'est une montée vers les aigus au moment où ils sont, oui. Les deux trous noirs accélèrent. Et, en effet, je crois qu'ils ne l'ont même pas décalé, dans le sens qu'ils l'ont transformé en son audible. Mais la fréquence, sont des fréquences entre quelques dizaines d'Hertz, qui est la fréquence plus petite à laquelle l'aigu est sensible. Donc, ça rentre dans les détecteurs quand ça commence à avoir une fréquence d'une dizaine d'Hertz, jusqu'à une fréquence de 150 Hertz. La fréquence maximum à laquelle il y a eu la coalescence. Ça, c'est la fréquence de l'onde gravitationnelle, qui est le double de la fréquence orbitale du système. Et donc, oui, on peut, comme tu disais, justement, transformer tout cela en son, c'est un chirp, parce que l'amplitude qui monte et la fréquence qui monte. Chirp, c'est un mot anglais pour les sons qui émettent des oiseaux, disons. Mm-hmm. Donc, on peut les transformer en son de manière assez jolie. Un gazouille. C'est ça. Ouais. On a encore une question dans la chatroom de Darwin. Je ne sais pas si c'est le vrai Darwin. qui demande si les ondes gravitationnelles perdent en force ou en énergie ou en amplitude. Il ne sait pas quel est le mot approprié en fonction de la distance parcourue. Oui, tout à fait. Je dirais que le mot approprié est d'abord amplitude. C'est la première chose qu'on mesure. Parce que l'amplitude, c'est ce qui nous donne la mesure la plus directe de la déformation de l'espace-temps. De combien cette définition de distance change. L'amplitude de l'onde décroît comme 1 sur R, où R est la distance, inversement proportionnelle à la distance. L'énergie de l'onde, qui est quadratique dans l'amplitude, décroît comme 1 sur R carré, ce qui veut dire che l'énergie sur une sphère est conservée. Comme l'énergie ne se perd pas, s'éparpille sur une sphère toujours plus grande, donc ça va comme la surface. Elle se dilue en quelque sorte. Se dilue de cette manière. Oui. Très bien, merci. Et comme ces ondes, en fait, comme vous avez dit, elles déforment vraiment l'espace et le temps, donc tout est déformé. Est-ce qu'on a quand même moyen d'arriver à les situer autour de nous, à savoir d'où est-ce que ça vient, en fait? Oui, alors, comment ils font à comprendre d'où ça vient? C'est une très bonne question, effectivement. Et c'est difficile. Disons, il y a un aspect positif et négatif dans ceci. D'abord, les détecteurs d'ondes gravitationnelles ne sont pas comme des télescopes qu'il faut pointer pour voir les signaux. Il voit un peu partout. Dans ce sens, l'analogie, plutôt qu'avec la lumière, la meilleure analogie est avec les sons. Nous, on entend des sons indépendamment de la direction. Bon, vous pouvez pointer l'oreille dans la bonne direction pour améliorer un peu la sensibilité, mais en général, c'est partout, d'accord? Et alors, ça, c'est un avantage, évidemment, parce qu'il nous permet de voir les signaux qui viennent de n'importe quelle direction, parce que si en plus il fallait pointer sur des objets qu'on ne connaît pas, ça aurait été impossible. Il y a quand même un désavantage, c'est qu'à ce moment-là, on ne sait pas très bien d'où ça vient. On a une manière de comprendre d'où ça vient, aussi avec nos oreilles, évidemment, on est capable de comprendre d'où ça vient le son. Évidemment, c'est la différente temporelle à laquelle ça nous arrive dans les différents oreilles, en gros. Mm-hmm. On fait des triangulations. On peut faire la même chose avec ces détecteurs. Ils les ont mis au décoin des États-Unis, très loin, dans l'état de Washington, dans l'état de Louisiana, pour avoir la plus grande distance entre les deux, toujours l'intérêt des États-Unis. Mm-hmm. Parce que plus grande la distance, plus on peut faire, disons, des triangulations pour comprendre la direction. Il faut dire qu'avec deux détecteurs, on la fait pas très bien. D'abord parce que les détecteurs sont alignés avec les bras, avec exactement la même orientation. Ça, c'est l'idéal pour être sûr de ne pas perdre le signal. Ouais. Parce que sinon, ça peut s'avérer qu'un signal qui est détecté d'un interféromètre est raté par l'autre parce que l'autre n'était pas bien orienté. Et la prima chose qu'on veut faire est faire des coïncidences, être sûr qu'il a le signal. Mais c'est pas bon pour détecter bien d'où ça vient. Quand même, on peut comprendre d'où ça vient. Par esempio, il y a un retard, le signale arrivano d'abord da un interferometro e poi dall'altro, avec une distance de différence de 6 millisecondi, 7 millisecondi. Donc, déjà, ça nous dit plus ou moins la direction, ouais. C'est venu de l'hémisphère sud. Mm-hmm. Et il y a d'autres manières pour comprendre un peu d'où ça vient. Ils ont une photo quelque part. Bon, je l'ai dans mes photos, je ne sais pas si tu peux la mettre, c'est celle-ci. Où il y a une carte de la région du ciel d'où ça vient. C'est une carte très, très grande, c'est environ 600 degrés carrés. Donc, c'est une région du ciel très grande. Donc, on ne connaît pas la source dans ce sens. Quand il y aura encore d'autres détecteurs, par exemple Virgo, qui va entrer en fonction pour la fin de l'année probablement, avec trois détecteurs, on peut faire des triangulations encore plus précises et donc comprendre encore mieux d'où ça vient. Donc c'est aussi pour ça, par exemple, il y a le projet Kagra au Japon et il y en a encore un en Inde aussi. LIGO aux Indes, un troisième LIGO, oui. Tous ces networks de détecteurs, ce n'est pas redondant. Justement, plus de détecteurs on a, plus on est sûr que c'est un vrai signal et pas du bruit, parce qu'on fait des coïncidences à 2, à 3, à 4, à 5. Et surtout, on est capable à ce moment-là de pointer, de comprendre d'où ça vient. Vous avez parlé du son. Il y a un petit moment, ça a généré une question dans la chatroom de Pascal qui demande si une onde gravitationnelle qui rentre dans l'atmosphère peut générer un son. Non, malheureusement pas, parce que sinon serait beaucoup plus facile de les détecter. Elles sont invisibles. Vous imaginez que, par exemple, l'onde qui est arrivée, on le voit par l'image qui a été mise, elle vient essentiellement dall'emisphère sud. Ce qui veut dire, bon, LIGO c'est dall'emisphère nord, sono gli Stati Uniti, ça a traversé la Terre, mais ça, la moindre interaction. Donc, personne ne l'a vu, entendu, il fallait le détecteur LIGO pour l'observer. Toute la Terre a été traversée et on a sans, rien que senti. Sans que l'onde ne s'aperçoit même pas qu'elle est en train de passer à travers quelque chose. C'est vraiment des fantômes. Et c'est toute petite trace de déviation de quelques fractions de noyaux atomiques dans ces miroirs, disons. Évidemment, la Terre aussi a bougé de quelques fractions peut-être de noyaux atomiques. Là, on n'a pas les détecteurs pour une mesure passée, disons. Mais non, il n'y a aucun effet visible, genre dans l'atmosphère ou quand elle passe à travers notre corps, par exemple. Et peut-être juste encore une question un peu plus conceptuelle qui a été posée il y a un peu plus longtemps par Brusicor dans la chatroom, qui demande si on peut imaginer observer des fentes de Young gravitationnelles. Observer des fentes de Young. Le double split experiment. Il faut peut-être d'abord expliquer ce que c'est. Oui, bon, on peut faire de l'optique. Disons, avec des ondes, on peut toujours faire de l'optique. Et en principe, on peut tout imaginer. Mais c'est clair qu'on ne peut pas, pour l'instant, manipuler ces ondes et faire des choses de ce genre. Mais en général, elles propagent comme des ondes et donc, elles sont sujets à tous les effets de diffraction que les ondes électromagnétiques. À des échelles cosmologiques, certainement, elles seront déviées. Un effet qu'on peut imaginer, c'est plutôt l'effet de lentille gravitationnelle, c'est l'effet qu'on voit sur la lumière. Donc, le parcours de la lumière est dévié par l'attraction gravitationnelle et la même chose, le parcours des ondes gravitationnelles est dévié de la même manière. Ils obéissent tous aux règles de l'optique géométrique, quelque sorte, dans certaines limites, mais donc on n'est certainement pas au niveau de pouvoir manipuler les ondes gravitationnelles comme on manipule la lumière dans nos laboratoires, et je pense qu'on ne sera probablement jamais là, justement parce qu'on ne peut pas les générer, nous. Ouais. Mm-hmm. Ouais, ouais. Les bloquer, ça doit être compliqué, pardon, j'interviens. C'est Robin. Ah oui, les bloquer, c'est tout à fait impossible. Et parce que pour faire des fentes, il faut pouvoir les bloquer. Oui. Disons qu'on peut toujours imaginer à niveau cosmologique des trous noirs, des objets très massifs. Évidemment, quand un front d'onde passe à travers un trou noir, bah, il est bloqué, la partie qui passe à travers le trou noir est absorbée. Donc, il y a tous ces effets d'optique géométrique qu'on peut imaginer, mais évidemment, sont pas manipulables. Disons, conceptuellement, ils sont tous là, mais on ne peut pas les manipuler, nous. On a encore une question qui fait rêver de Will dans la chatroom, qui demande, comme il s'agit d'ondes, est-ce qu'il peut y avoir des interférences d'ondes gravitationnelles? C'est un peu le même genre de réponse. Encore une fois, en principe, oui, disons. Mais il faudra encore que... sont des ondes. Ouais, il faudra encore qu'elles arrivent en même vous temps. Vous imaginez l'interaction les effets, la direction gravitationnelle est extrêmement petite. Donc, tous ces effets sont théoriquement là, mais en pratique, non. Après notre petit délire dans la chatroom. Ah, pardon, on a encore une question. Est-ce que j'ai le droit à une question ? Alors, je suis désolé, j'ai un peu raté le début. J'espère que cette question n'est pas débile. Mais il y a un truc qui me perturbe, c'est que on dit que donc la lumière suit l'espace, les courbures de l'espace-temps. Que c'est pour ça que en fait, elle va pas. Enfin, ce qu'on pourrait appeler la ligne droite naïvement. Mais du coup, ce que je comprends pas, c'est que là, on capte grâce à de la lumière une déformation de l'espace-temps. Alors que la lumière est censée suivre l'espace-temps, les déformations de l'espace-temps. Je ne sais pas si c'est clair. Je comprends bien. Alors, c'est un peu difficile à expliquer de manière pas trop technique. Disons que la modification de l'espace-temps, c'est essentiellement une modification de la notion de distance. Ouais. Ce que le faisceau laser fait avec ses allers-retours par biais des miroirs, c'est de mesurer une distance, dans un sens qu'il faudrait rendre un peu plus précis techniquement, mais ce n'est pas probablement l'idéal ici. Donc, la lumière fait des allers-retours et elle mesure la distance. Essentiellement, vous pouvez imaginer qu'on mesure le temps qu'il prend à passer d'un miroir à l'autre. C'est, pour les physiciens dans l'audience, c'est le temps propre, ça c'est un invariant, disons. De toute manière, c'est cette notion de distance qui change, et c'est cette notion de distance qui est, ce changement de cette notion de distance qui est mesuré. Il fallait rentrer dans des détails un peu techniques, je pense, pour expliquer un peu mieux. Mais disons, on peut bien dire que la déformation de l'espace-temps change la notion de distance d'une manière bien définie et mesurable. En relativité générale, il faut toujours faire attention parmi des choses qui dépendent des coordonnées que vous utilisez et des choses qui sont invariantes et mesurables. Mais l'effet d'une onde gravitationnelle est un effet physique, c'est un vrai effet mesurable. Selon les coordonnées que vous utilisez, vous allez les voir d'une manière ou d'une autre. Par exemple, en relativité générale, on peut utiliser les miroirs pour définir les positions. Et donc, la position des miroirs ne changera pas, tout simplement parce que un miroir, ça va définir la coordonnée 1 et l'autre miroir va définir la position 2. Mais, da ce moment-là, dans ce système de coordonnées, ça changera la propagation de la lumière parmi ces deux distances. Donc, vous pouvez changer le système de coordonnées, et vous pouvez bouger l'effet d'un aspect à l'autre, que ce soit la position des miroirs ou, disons, comment la lumière propage entre les deux miroirs, mais l'effet physique que vous observez est toujours le même, finalement. D'accord. Si j'ai bien compris la question de Robin, en fait, et si j'ai bien compris votre réponse, mais je pense que je vais m'apercevoir en cours de route que j'ai rien compris du tout. En fait, si l'espace-temps avait été complètement déformé, puis que nous, à l'intérieur, on essaie de mesurer cette déformation, on pourrait pas, parce que nos instruments de mesure se déformeraient avec la déformation. Puis voilà, un mètre ferait toujours un mètre, même s'il est plus grand. Sauf que là, c'est une onde, c'est une bosse, en fait, dans l'espace-temps qui passe, et puis on arrive à. Bon, disons qu'on peut dire comme ça. Imaginons que nous voulons mesurer la distance entre ces deux miroirs qui sont libres, disons, par les suspensions, mais dans la direction orizzontale, mm-hmm. Pour bouger comme des objets libres. Et on peut utiliser pour mesurer leur distance un mètre, un objet physique. Allora, l'objet physique ne va pas se dilater de la même manière que l'espace-temps. Parce que c'est quand même un objet lié avec des interactions électromagnétiques parmi tous les atomes. Il a ses fréquences de résonance typiques. Et typiquement, si ses fréquences de résonance sont très grandes par rapport alla fréquence de l'onde, il si comporte comme un objet rigide. Il ne répond pas de la même manière. Et donc, on peut l'utiliser comme un mètre standard pour mesurer l'effet que les objets en chute libre, par contre, D'accord. Donc, en fait, les ondes gravitationnelles ne se transmettent pas de façon homogène. Quoi. Enfin, Disons que la réponse d'un objet dépend si l'objet est libre ou si l'objet est lié. Si vous avez un ressort. Si vous avez un ressort très rigide, les deux objets à la fin du ressort ne vont pas bouger comme si l'objet était libre. Mmh. D'accord. Bah, ça répond complètement à ma question. Merci beaucoup. C'est génial. Sam, tu avais encore des questions ? Alors moi, j'ai encore un peu toujours cette histoire d'espace et de temps. Donc, vous nous avez rappelé que pour la lumière, on a comme constituant élémentaire de la lumière les photons. Pour les ondes sonores, c'est les molécules de l'air. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une sorte de particule d'espace-temps, ou est-ce qu'on a un équivalent du moins théorique? Oui, tout à fait. Le graviton. Alors, voyons de comprendre qu'est-ce que c'est. Disons, dans la théorie quantique, on a une description duale, comme c'est onde-corpuscule. Donc, la lumière, on peut la décrire comme onde, et dans certaines situations, comme une particule, qu'on décrit comme le photon. Alors, exactement la même chose, on peut la faire en gravité. On peut écrire la théorie d'Einstein et on peut la quantifier. Alors là, il y a une chose sur laquelle souvent les gens font confusion, parce que on sait que la gravité, on ne peut pas quantifier la gravité. Il y a des problèmes quand on met ensemble la relativité générale e la meccanica antica. Mais en effet, dans quelque sens c'est vrai, dans quelque sens ce n'est pas vrai. Le problème arrive quand on étudie la théorie des énergies énormes, l'énergie qu'on appelle la masse de Planck, di 121 GeV, miliardi e miliardi e miliardi di fois più grande che l'energia qu'on esplora avec l'HC au CERN. A des énergies più petite, la gravité, on peut la quantifier parfaitement. Les physiciens parlent des théories effectives. Et en effet, ça, c'est le paradigme moderne de toute la théorie des champs quantiques. Toutes nos théories quantifiées ont un certain domaine de validité et, au-delà d'une certaine énergie, il faut les remplacer avec quelque chose d'autre. Donc, la théorie des Fermi, des interactions faibles, découverte dans les années 30, les neutrines, etc., aujourd'hui, on la comprend comme une théorie qui a une limite de basse énergie du modèle standard. La théorie des Fermi était non renormalisable exactement comme la gravité est non renormalisable. Alors, ceci ne veut pas dire que l'électron, les neutrinos, qui sont les particules qui rentrent dans la théorie des Fermi, ne sont pas bien définis comme concept quantique. Ils sont parfaitement bien définis, d'abord comme particules libres. Et après, on a des interactions qui, à basse énergie, on comprend très bien. Quand on monte au-delà d'une certaine énergie, il faudra changer la théorie pour prendre en compte les bonnes interactions. La même chose sera pour la gravité. À basse énergie, et basse par rapport à cette échelle infinie, la gravité est normale théoriquement, on sait quantifier parfaitement bien. On a une particule qui est le graviton, en première approximation libre, exactement comme le photon. Et après, on a toutes ces petites interactions gravitationnelles qui deviendront très fortes à une échelle d'énergie énorme, et là, il faudra changer la théorie. Et pour comprendre la structure des interactions. Mais pour définir la notion des particules comme les gravitons, le problème qu'on ne sait pas quantifier la gravité n'a absolument rien à voir. C'est une chose sur laquelle les gens souvent font beaucoup de confusion, même parfois quelques professionnels. Donc la notion des gravitons est parfaitement bien définie, sauf que la vraie nature du graviton, on va la voir justement à cette énergie immense. Ce qu'on voit à l'échelle d'énergie qu'on explore maintenant, c'est cette collection cohérente des gravitons qui est une onde gravitationnelle classique, de la même manière qu'une collection de photons qui bougent de manière cohérente est une onde électromagnétique classique. Donc, ce sont des ondes classiques de tous les points de vue. On ne voit absolument pas des effets quantiques. Pour voir les effets quantiques, il faudrait monter à des énergies immenses ou remonter dans le temps vers le Big Bang, peut-être en cosmologie. Mais il n'y a aucun problème conceptuel avec la notion de graviton en soi. C'est totalement similaire à la notion de photon, comme tu as mentionné. D'accord. Je ne sais pas, il y a peut-être encore quelques questions sur la chat. Pas pour le moment, non. Non, tu peux enchaîner. Comme à chaque fois, je trouve, quand on parle de physique, il y a toujours un moment où est-ce qu'on va parler de Richard Feynman. Oui. Et là, encore une fois, Feynman a dit quelque chose sur les ondes gravitationnelles. Et notamment avec quelque chose qu'on appelle le sticky bead argument. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est? Oui, alors, disons, maintenant, on comprend bien, des points de vue théoriques, les ondes gravitationnelles. Mais quand Einstein a formulé la relativité générale, l'aspect onde gravitationnelle, c'était parmi les plus difficiles à comprendre. Et Einstein lui-même a fait des erreurs, dans le sens... La première fois, il a prédit l'existence d'ondes gravitationnelles. Après, il avait même écrit un autre papier dans les années, je crois, 40, qu'il avait envoyé à Physical Review, où il disait que non, effectivement, il n'y a pas les ondes gravitationnelles. La difficulté, c'est qu'en relativité générale, comme j'avais déjà mentionné, il faut toujours faire la distinction entre des effets qui dépendent de notre choix de coordonnées et les effets vraiment physiques. Et pour les ondes gravitationnelles, la chose est vraiment très subtile du point di vue technique. Et donc, pendant des décennies, ce n'était pas clair. Essentiellement, c'est l'exemple de la personne en chute libre dans l'ascenseur, il ne sent pas qu'il est en champ gravitationnel parce qu'il est en chute libre. Ce qui veut dire qu'on peut toujours choisir un référentiel, un système, un repère, tel qu'on élimine, au moins dans une région suffisamment petite de l'espace, tous les effets gravitationnels. Justement, si on est dans l'ascenseur en chute libre, on ne se rend pas compte qu'il y a le champ gravitationnel de la Terre, jusqu'à quand on arrive probablement à l'étage. Là, je ne suis pas sûr qu'on se rende compte non plus. Alors, de la même manière, on peut mettre à zéro l'énergie de l'onde gravitationnelle dans un point précis de l'espace. Disons, et donc, ça avait généré beaucoup de confusion. J'ai même pas, moi aussi j'ai pas bien dit, on ne met pas l'onde gravitationnelle parce que l'onde gravitationnelle on la voit che à grande distance dans la région de radiation, mais le champ gravitationnel dans un point de l'espace on peut le mettre à zéro. Donc il y avait des questions si vraiment les ondes gravitationnelles sont physiques ou pas, s'il amène de l'énergie, et la chose a continué pendant des décennies jusqu'aux années, je sais pas, 50. C'était finalement Feynman qui, avec son style très direct, a fait un exemple très banal avec la vision d'aujourd'hui. Vous prenez des objets liés par un ressort, l'onde gravitationnelle qui arrive et met en vibration le ressort. Si le ressort a de la dissipation, l'énergie va être dissipée en chaleur, elle n'est pas rendue à l'espace-temps, disons. Et donc, évidemment, il porte de l'énergie, les ondes gravitationnelles. C'est un exemple si simple que ça, mais qui déjà répondait à la question. D'un point de vue aussi formel, après les choses n'étaient comprises parfaitement bien, pour définir l'énergie de l'onde gravitationnelle, il faut moyenner sur une région de l'espace plutôt que sur un point. Une région de l'espace grand par rapport alla longueur d'onde de l'onde, ou bien moyenner dans le temps sur une période grande par rapport à la période de l'onde. Basta sur des détails techniques qui, à partir des années 60, maximum, ont été très bien compris. Mais c'est vrai que pendant des décennies, il y a eu beaucoup de confusion sur cette histoire. Jusqu'à ce que Feynman sorte son ressort, donc normal. Et peut-être encore une des dernières questions, c'est est-ce qu'on avait... Théoriquement, est-ce qu'on avait déjà une idée de où chercher, dans quelle longueur d'onde on pouvait s'attendre à avoir des ondes gravitationnelles? Oui, alors là, il y a des choses. D'abord, où on peut chercher et où on peut espérer de trouver quelque chose. Comme je disais, si on est sur Terre, il faut chercher des fréquences plus grandes qu'une dizaine d'Hertz. Sinon, même ces super atténuateurs qui atténuent les bruits sismiques de 10 milliards de fois deviennent incapables d'atténuer les bruits. Donc, on est déjà forcé à aller à des fréquences plus grandes qu'une dizaine d'Hertz. On sait qu'on ne s'attend pas à avoir des signaux, au moins astrophysiques, à des fréquences plus grandes que quelques kilohertz, parce qu'il faut des objets très, très compacts pour émettre des choses à des très grandes fréquences, des radiations à très grandes fréquences, parce qu'il faut penser que les ondes gravitationnelles sont émises par des mouvements cohérents de matière. Donc, même avec les trous noirs stellaires, etc., c'est difficile d'imaginer des signaux à plus que, disons, quelques dizaines de kilohertz. Et justement, où on arrive à faire des choses sur Terre, c'est entre quelques dizaines de hertz et 2 ou 3 kilohertz. C'est la région de fréquence esplorée par LIGO, Virgo. Serait très intéressant aussi aller à des fréquences plus petites, parce que là, par exemple, on s'attend la radiation émise par les trous noirs supermassifs. Comme je disais, il y a des trous noirs de millions, voire milliards de masses solaires, et il mettrait de la radiation gravitationnelle à des énergies qui sont plutôt les millihertz. Allora, per questo genere di cose, il faut aller dans l'espace, parce que là, il n'y a pas de bruit sismique. Il y a un projet qui s'appelle ELISA, auparavant c'était ELISA, c'est un projet de l'Agence spatiale européenne, c'est un projet énorme, sur lequel aussi les gens travaillent depuis des décennies. En principe, devrait être lancé autour de 2025, justement dans l'espace, avec des spacecraft, avec des lasers parmi ces spacecraft à des millions de kilomètres. Donc des vaisseaux séparés dans l'espace qui se tirent des lasers l'un sur l'autre et on mesure... Exactement. C'est de la science-fiction. Oui, tout à fait. Dingue. Tout à fait. Mais on espère que... Disons, il y a déjà l'ELISA Pathfinder qui a été lancé. C'est une démonstration de technologie pour ce genre d'expérience. Il est dans l'espace maintenant. Et c'est un très grand projet de l'Agence spatiale européenne avec de la physique extraordinaire qu'on pourra faire là aussi. Sinon, pour revenir encore à ta question, là j'étais en train de penser surtout aux sources astrophysiques, mais après il y a toutes les sources cosmologiques. Là c'est beaucoup plus large le spectre des choses qu'on pourrait avoir, à des fréquences beaucoup plus grandes, aussi beaucoup plus petites. Et on peut essayer de voir l'effet des ondes gravitationnelles sur la radiation des fonds cosmiques, par exemple. Il y a les expériences comme Planck et Euclide dans le futur, dont vous avez déjà parlé dans votre émission, qui, entre autres, pourrait essayer de détecter des effets sur la radiation des fonds cosmiques dû à des ondes gravitationnelles primordiales. Ça serait aussi très fascinant. Sinon, il y a aussi d'autres moyens de détecter les ondes gravitationnelles, c'est avec un network de pulsars, un réseau de pulsars. J'avais parlé de la pulsar de Ulsteyr, ce système binaire, mais plutôt des pulsars isolés dans le ciel, dans des directions très différentes. Chacun est une montre très précise. Et s'il y a des ondes gravitationnelles qui passent entre la Terre et nous, ils vont faire une distorsion du segnale qui arrive de la pulsar, et avec ces réseaux de pulsar on pourrait espérer de détecter des fonds stochastiques, comme on les appelle, d'ondes gravitationnelles. Il y a d'autres expériences qui cherchent ça, ils ont une très bonne sensibilité, ils pourraient déjà dans le futur voir quelque chose. Des fonds stochastiques, c'est-à-dire on cherche le hasard, c'est ça? C'est une sorte de bruit, mais d'origine cosmique. D'accord. Dans le sens que c'est plein de sources tel qu'on n'arrive pas à résoudre individuellement la source, mais ils vont faire tout. C'est un peu comme dans l'océan, vous avez parfois des grandes vagues, mais parfois vous avez tous ces, comment on peut l'appeler, une sorte de bruit, un fond stochastique, des petites ondes. Okay. Mais très intéressant. D'accord. Parce que c'est aussi d'origine cosmologique, ce n'est pas le bruit du détecteur. Ouais, ouais. Tu as encore des questions, Sam? Non, pas spécialement. Peut-être juste, donc du coup, l'avenir immédiat pour la détection de gravitationnelle, c'est bientôt, on devrait avoir les nouveaux résultats de LIGO. Tout à fait. Ensuite, il y a Virgo, la version améliorée, en quelque sorte. Oui. Et après, c'est Kakao Japon et l'Inde. Là, on a des idées des dates. Oui, moi, je ne sais pas exactement. Je pense que LIGO India, je pense qu'il faudra plus de temps. Il a été approuvé par le gouvernement indien la semaine après la découverte. Ça a poussé l'approbation. Pour Kagra, il travaille là depuis plusieurs années. Je ne vais pas dire des choses fausses, mais j'imagine que sur l'arc de 5 ans, ça sera quelque chose qui prendra des données à niveau très compétitif. J'imagine, mais je ne suis pas vraiment sûr sur l'échelle de temps. Après, pour des expériences, comme on appelle, de troisième génération, il y a, l'ISA en parle de 2025, ces expériences spatiales sont toujours très compliquées à réaliser. Il y a aussi ce qu'on appelle l'Einstein Telescope, c'est un interféromètre sur Terre, cette fois, de troisième génération. Ça serait, je dis sur Terre, mais sous Terre, en effet. Parce que les bruits sismiques... Un télescope sous Terre? Eh oui, ça, c'est intéressant comme concept. J'avoue. Parce que les bruits sismiques sont notre ennemi principal pour aller à les basses fréquences. Mm-hmm. Mais ils sont grands sur la surface de la Terre. Si on descend de quelques dizaines ou centaines de mètres, ils sont beaucoup plus petits. OK. Donc l'idée, c'est de faire des tunnels, comme on fait pour les CERN, disons, et faire un interféromètre, par exemple, à trois bras, avec les lasers qui bougent dans ces bras, dans des galeries sous terre, avec aussi toutes des technologies avancées comme de la cryogénie pour les miroirs. Tu disais justement, si les miroirs sont refroidis, on pourrait essayer de les refroidir. Ça, je pense qu'Agra déjà a des températures cryogéniques, quelques Kelvin, parce que les bruits thermiques sont importants pour ces miroirs. C'est Einstein Telescope, c'est pour l'instant un peu plus hypothétique. Les gens, ils travaillent, étudient la possibilité de le faire. Ce n'est pas aussi concret pour l'ISA, il y a une date de lancement quand même. Mais ça, c'est aussi assez fascinant comme possible détecteur. Là, on va vraiment faire de la cosmologie avec ce genre d'instrument. On pourra étudier des choses comme même l'énergie noire, la dark energy, ces aspects cosmologiques. Ça, parce qu'il arrive à explorer l'univers dans ses profondeurs à ce moment-là. Waouh, voilà, on organisera une petite visite. Moi, en fait, c'est un peu peu les astronomes qui sont jaloux des physiciens des particules qui veulent aussi avoir leur petit tunnel. Non, je ne crois pas. Je dois dire que la beauté de l'astronomie, c'est cet approche avec beaucoup de fenêtres différentes. Et en effet, par exemple, les gens de LIGO ont collaboré avec toute la communauté astronomique, parce que quand ils ont eu le signal, ils ont dit aux gens qu'il y avait un signal avec une certaine direction, ils ont cherché s'il y avait une contrepartie électromagnétique, ils ne l'ont pas trouvé. Bon, il y a une expérience qui dit qu'ils ont quelque chose en coïncidence, mais ça n'a pas l'air, à mon avis, très convaincante, parce que d'autres expériences comme Integral, sur lesquelles on travaille aussi beaucoup à Genève, auraient dû voir ça, si c'était un vrai signal astronomique plutôt qu'un bruit du détecteur dell'altra esperienza. Mais donc, je pense che l'approccio che sarà très important dans le futur, che on essaie de développer de tout de suite, c'est un approccio multi-wavelength, disons. Mm-hmm. L'idéal, ça serait voir un événement comme ça, à la fois en onde gravitationnelle et en onde électromagnétique. Parce que, par exemple, les ondes électromagnétiques nous permettent de pointer, de dire où est la source. Et par exemple, quelles sont les redshifts cosmologiques, ça, c'est une information très précieuse du point de vue cosmologique. Et les ondes gravitationnelles nous donnent des informations absolument complémentaires. Donc, ce sont des choses assez complémentaires. Et c'est une science magnifique qu'on fait ensemble dans tous les, avec tous les longueurs d'onde, je dirais. On a encore une question de la chatroom avant peut-être de conclure avec d'éventuelles questions de l'équipe. C'est Will, toujours très inspiré, qui demande si le Big Bang a généré des ondes gravitationnelles et si oui, est-ce qu'on pourrait s'en servir pour se rapprocher de l'événement Big Bang? Oui, c'est une excellente question. Si pour conclure, oui, la réponse est probablement oui. Les gens ont étudié beaucoup de mécanismes qui pourraient produire des ondes gravitationnelles à l'époque des Big Bang. Moi aussi, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Il y en a beaucoup. Il y a par exemple une théorie qui est notre théorie préférée en cosmologie, qui est l'inflation, qui prédit un fond stochastique, comme je disais, d'ondes gravitationnelles. Malheureusement, ça est à un niveau très bas pour les expériences comme LIGO, Virgo, mais ça pourrait laisser un signe sur la CMB. Justement, quand il y a un an ou deux, il avait eu ces expériences Bicep D, qu'il avait dit qu'il avait vu quelque chose, après c'était de la poussière, mais l'idée c'était que c'était l'effet des ondes gravitationnelles produites pendant l'inflation et leur effet sur la polarisation de la radiation de fond cosmique électromagnétique. C'est clair que ça, c'est un peu, je dirais, le holy grail de toute cette recherche. Parce que, il faut dire aussi, alors, la radiation de fond cosmique électromagnétique nous a fait faire un bond extraordinaire en cosmologie, dans notre compréhension de l'univers. Mais c'est quand même de la radiation qui nous arrive a été générée, disons, 100 000 années après le Big Bang. Dans le sens que tous les photons qui ont été générés avant, il était en interaction tellement fort avec tous les restes, les électrons, les quarks, toutes les particules chargées qu'il y avait, que évidemment, il faisait des collisions tout le temps. Et donc, même s'ils sont produits avec des caractéristiques très précises en énergie, leur spectre, toutes ces caractéristiques sont effacées par toutes ces interactions. À un certain moment, avec l'expansion de l'univers, l'interaction entre les photons et les électrons est devenue plus faible. Et finalement, les photons peuvent partir tout droit et arriver chez nous. Alors, ils nous amènent une photo, dans le vrai sens du terme, de l'époque où ils ont pu partir tout droit vers nous, qui est environ 100 000 ans après le Big Bang. Mais les ondes gravitationnelles, puisqu'on a dit qu'effectivement, ils ont des interactions beaucoup plus petites, quand ils sont générés, après, déjà, ils n'interagissent plus. Tout de suite après le Big Bang, ils sont générés et ils partent. Donc, ils nous amènent une photo vraiment de l'époque à laquelle ils sont générés. Donc, si on voit des ondes gravitationnelles générées quelques millisecondes après le Big Bang, ça, c'est une photo de l'univers à l'âge d'une milliseconde. Alors, vous imaginez c'est extraordinaire. Votre intuition, vous pensez qu'en améliorant les détecteurs, on verra ces choses-là? Disons que la CMB, c'est un des outils des espoirs. Il y a des expériences qui essaient d'améliorer, bon, Planck et Euclide pour le futur. Le problème, c'est que, bon, comme on a découvert avec Planck, Il y a beaucoup de poussière qui génère de la polarisation de la CMB, du type de polarisation qui est généré aussi, qui serait aussi un signal pour les ondes gravitationnelles. Donc, il faut être capable de caractériser bien les signaux générés par la poussière qui nous intéresse pas trop en soi, pour être capable de faire la différence avec les signaux vraiment des ondes gravitationnelles. Ça, c'est une direction qui est tout à fait possible pour les expériences futures de CMB, Cosmic Microwave Background Radiation de fond. Sinon, pour les expériences terrestres comme Virgo, comme je disais, on peut toujours espérer, on ouvre une fenêtre, on verra qu'est-ce qu'on voit. C'est un peu difficile, je pense, pour les détecteurs sur Terre. Peut-être c'est plus probable avec les pulsar timing arrays, c'est-à-dire ces réseaux de pulsar qui pourraient aussi voir des ondes aussi produites par peut-être par des sources cosmologiques. Il y a des choses qu'on appelle les cordes cosmiques qui peuvent générer des fonds stochastiques d'ondes gravitationnelles à la fréquence à laquelle ces réseaux de pulsar sont sensibles. Donc oui, c'est pas tout à fait exclu, bien sûr, il y a rien de sûr dans tout ça. Je crois que c'était la dernière question de la chatroom, mais on en a encore une qui est assez costaud. Alors du coup, on va pas s'en priver. Je pense que c'est aussi dans vos cordes, sans jeu de mots. Est-ce que les ondes, c'est Brusicor qui demande si les ondes gravitationnelles permettraient d'enfin montrer une prédiction de la théorie des cordes. Ça c'est très difficile à dire. Et disons que moi-même, j'ai une fois travaillé avec Gabriele Veneziano, un grand physicien CERN, Alessandro Bonanno, qui travaillait sulle prédizioni dei fonds stochastiques générés par un certain modèle aspiré par la théorie des cordes, qui avait des caractéristiques assez différentes par les fonds inflationnaires. Donc, on peut réfléchir à ce genre de choses. Il y a toujours un aspect spéculatif, parce que on sait. C'est jamais quel est le bon modèle. Ces exemples étaient intéressants parce que ça ne dépendait pas trop des modèles spécifiques de la théorie des cordes, mais plutôt des caractéristiques générales dell'action effective de basse énergie, disons, pour être technique, de la théorie des cordes. Donc, ce n'est pas évident, mais il y a des tentatives dans cette direction. Ok, merci. Est-ce qu'on a encore des questions de l'équipe? Sam, tu avais fini avec tes questions. Ouais. Je ne sais pas, Robin, Nico, Irène, est-ce que tout ça vous inspire des questions, des commentaires? Ah, moi, je ne vais pas trop oser en poser d'autres parce que j'ai raté des passages. Et puis, ça marche. Et Irène, et puis, bon, c'est quand même des sujets. Irène, on te voit parler sur Skype, mais on ne t'entend pas. En fait, tu dois être muté. Là, Irène, et là, ça va mieux? Voilà, ça va mieux, ouais. Ah, super. Ben, tout ce temps-là, j'étais mutée, alors zut. Moi, je disais, j'ai comme d'habitude une question idiote. J'en ai même deux, mais je vais me limiter à une seule. Samuel, c'est un bon étudiant? Moi, je ne le connais pas en tant qu'étudiant, parce que moi, j'enseigne en quatrième année et Samuel en première année. Mais j'ai eu le plaisir d'avoir affaire avec lui avec une série de conférences. Il est très actif. Donc, je peux imaginer que oui, mais après, on verra l'examen dans 4 ans, dans 3 ans. Ah, voilà. Et du coup, moi j'aurais une question un peu du même genre pour Samuel. Ils sont tous comme ça, les profs à l'Université de Genève? Au niveau de... Ben, je sais pas, passionnant, passionné. J'ai pas encore eu affaire à tous, mais c'est vrai qu'en tout cas, là, on a vraiment... C'est vraiment passionnant, mais... Réponse diplomatique, d'accord. Ils sont tous passionnés. Ok. On n'a pas d'autres questions dans la chatroom, dans l'équipe? Est-ce que je peux poser une autre question vraiment idiote? Encore une fois, il n'y a pas de questions idiotes. C'est un peu bizarre comme question, mais c'est un peu bizarre. Mais souvent, quand j'entends parler, c'est pas du tout mon domaine, mais quand j'entends parler de ce genre de choses, on mentionne souvent Einstein. Et je me demande pourquoi je me demande la question. Mais si Einstein n'avait pas existé, on en serait où de tout ça? Ça, c'est une question très difficile à répondre. Disons qu'il y a des découvertes qui sont dans l'air du temps et si ce n'est pas une personne qui l'a fait, il serait une autre. Et d'autres qui sortent un peu du cylindre. Alors, quand Einstein a découvert la relativité générale, je pense que c'était vraiment quelque chose qui n'était pas dans l'air du temps. Je veux dire, la relativité restreinte, oui, il y avait Lorentz, Poincaré, il y avait les équations de l'électrodynamique de Maxwell contiennent la relativité restreinte, même si on a bien compris comment après. Donc là, on aurait pu dire que c'était bien dans l'air du temps. Même oui. Si après, il faut un génie pour sortir à un moment juste. La relativité générale dont on parle maintenant, que la théorie de la gravitation, était vraiment... était quelque chose de plus. Il faut dire que c'est clair qu'aujourd'hui, avec la vision qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on y serait peut-être arrivé quand même, parce que c'est vrai que disons, le point de départ d'Einstein était le fait que la théorie de la gravitation n'était pas consistante avec la relativité restreinte. Mm-hmm. Mm-hmm. Il y a eu tout le développement de la mécanique quantique après pour faire une théorie relativiste de la mécanique quantique, amener la théorie de champ. Et aujourd'hui, on comprend très bien la relativité restreinte, la relativité pardon, générale, comme une théorie de champ comme les autres. C'est la théorie de champ gravitationnelle qui obéit essentiellement les mêmes genres de règles. Disons, on aurait pu y arriver par cette direction, peut-être, je sais pas, quelques décennies ou même un siècle plus tard. C'est impossible de refaire l'histoire. Voilà, ouais. Oui, je me dis, c'est bien ce que je me disais. Et je me demandais effectivement si par d'autres moyens, on en serait arrivé au même point et si ça aurait pu plus longtemps, effectivement. Qui aurait pu le remplacer C'est difficile à dire, mais la direction, je veux dire, dans la vision moderne, si on apprend aujourd'hui la théorie des champs, c'est joli aussi, la relativité générale, c'est joli de l'apprendre comme un exemple aussi des théories des champs. Comme il y a la théorie du champ électromagnétique, je dirais c'est la théorie du champ, on dirait à spin-on. Moi, je donne le cours de théorie du champ à l'Université de Genève. Alors, on commence typiquement le champ scalaire, c'est le spin zéro, la particule à spin zéro. Après, on peut construire la théorie pour une particule à spin-on, c'est le champ électromagnétique, c'est l'exemple typique. Le champ gravitationnel, ça descrit une particule à spin 2. Et dès qu'on commence à comprendre les règles della théorie du champ, c'est clair qu'on arrive alla relatività generale in une certaine forme. Mais évidemment, c'est facile pour nous aujourd'hui de dire ça. Et oui, évidemment. En tout cas, merci beaucoup, c'était super intéressant. C'était absolument passionnant, c'est vrai, un immense merci. Merci pour la belle question aussi. Puis on va pouvoir dire merci pour les beaux dessins aussi, parce qu'on a eu quelques productions absolument magnifiques. De Pouillot, dont c'est l'anniversaire d'ailleurs. Bon anniversaire, Pouillot. Et bravo. Bon anniversaire, Pouillot. C'est son anniversaire, c'est lui qui nous fait des cadeaux, quoi. Mais oui. Bon, on lui a quand même mijoté une émission sur les ondes gravitationnelles pour son anniversaire. Mais du coup, il nous l'a bien rendu, donc avec un premier dessin où on voit deux personnes qui regardent le tapis déformé de l'espace-temps dont parlait le professeur Major. Avec un personnage qui dit « Alors, c'est comme un tapis, ça se déforme. » Et l'autre personnage qui répond « La poussière, ce sont les étoiles. Et l'aspirateur, c'est le trou noir. » On a eu un deuxième dessin de Pouillot sur les détecteurs d'ondes. Je ne l'ai pas sous les yeux, puis du coup, je n'arrive pas à lire. Là, l'écran est un peu trop loin. Donc, on voit un personnage qui dit « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle ? Allez, allez, allez, baie !» Et puis, qui attend la réponse. On a eu un dessin d'Inti aussi. Inti, voilà, on voit un... Comment on appelle ça, ces gens sensibles aux ondes, là, un photosensible donc il y a une passoire sur la tête qui crie « Mais arrêtez avec vos ondes, je suis gravito hypersensible. » Et puis un dernier dessin de Pouillot, alors qui est inspiré de l'illustration que nous a fait poster le professeur Major. Donc on voit la provenance des ondes gravitationnelles. Et puis c'est une belle victoire, donc le chercheur est content lui aussi. Mais il demande à tout le monde de se calmer. Allez, allez. C'est très joli. Donc, évidemment, tous ces dessins, on les retrouvera dans les notes de l'émission. C'est l'émission 256. On doit enchaîner avec le pitch de la semaine prochaine. Alors, notre dictateur m'a laissé avec un conducteur vide, mais enfin, heureusement, je m'en souviens pour une fois. La semaine prochaine, c'est un freestyle, enfin, pardon, un roue libre, une émission en roue libre avec David Loipre comme invité du blog Science Étonnante et maintenant de la chaîne YouTube Science Étonnante qui cartonne, donc qui nous révélera un peu ses secrets de la communication scientifique. Donc, c'est le mardi 12 à 20h30 sur live.podcastscience.fm. La quote. Ah oui, professeur, on vous a prévenu. Il faut venir avec une citation. Vous avez fait vos devoirs. Grâce à ma collègue et amie Ruth Dürer, okay, de mon département, qui m'a suggéré une citation de Steven Weinberg, qui est très jolie. Effectivement, je partage totalement ce qui est ici. C'est en anglais, je vais d'abord la dire en anglais. « Our mistake is not that we take our theories too seriously, but that we do not take them seriously enough. It is always hard to realize that these numbers and equations we play with at our desk have something to do with the real world. » Alors, notre erreur, ce n'est pas qu'on prend nos théories trop sérieusement, mais qu'on ne les prend pas assez sérieusement. C'est toujours difficile de se rendre compte que ces nombres et ces équations avec lesquelles on joue dans nos bureaux ont quelque chose à voir avec le monde réel. Mm-hmm. Et c'est effectivement un sentiment qu'on a vraiment quand il y a ce genre de découvertes, parce qu'on passe des années à jouer avec des équations. Moi, je suis un théoricien, on est au tableau noir ou avec du papier à jouer avec nos équations. Et après, ah bon, mais c'était vrai, le monde marche vraiment comme ça. C'est une sensation incroyable. Einstein aussi avait remarqué l'incroyable, l'inexplicable puissance des maths dans la physique. Et le fait qu'effectivement, nous, on joue avec nos équations dans nos bureaux. Et après, bon, oui. Et puis en fait, ça correspond vraiment à quelque chose. Excellent, merci beaucoup. Ça va nous donner de quoi réfléchir pendant toute une semaine. Quelques plugs vite fait. Alors, surtout un plug, en fait, pour vous annoncer que les vidéos de Lyon Science sont en train d'arriver au compte-goutte, les unes après les autres. Sur le site de Lyon Science, il y a un tag exprès que le community manager de Lyon Science, David, a mis en place. Donc, c'est lyon-science.fr, science au singulier, /vidéo-live-2016. J'ai mis le lien dans la chatroom, on le mettra dans les notes de l'émission. Et puis, bah, c'est là que vous pouvez voir les diverses interventions, plus formidables les unes que les autres. Vous pourrez me dire ce que vous avez pensé de ma performance d'ailleurs, parce que je ne suis pas très au point encore avec les lives sur une scène où j'essayais d'expliquer en quoi il est erroné de croire que la science et la communication sont comme un couple malheureux, qu'au contraire, quoi, ça marche plutôt bien ensemble et puis qu'il serait temps de les réconcilier. Donc tout ça sur le site de Lyon Science. Et puis on a évoqué la transformée de Fourier aussi tout à l'heure. Je rappelle que Nico nous avait fait un numéro là-dessus, c'était le podcast Science 116, ça date un petit peu. Mais si vous voulez entrer dans les détails de tout ça, bah allez-y, tout est toujours en ligne. Et puis, bah, il est gentiment l'heure de conclure. Donc, on rappelle juste que c'est l'anniversaire de Pouillot. On ne va pas te chanter joyeux anniversaire, mais ça, c'est pour l'année prochaine, si on est encore là. Les ondes gravitationnelles, on a dit que c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur l'univers, qu'on peut maintenant écouter l'univers et plus seulement le regarder. L'univers s'écoute comme un podcast et se partage aussi. Le podcast, en tout cas, vous pouvez le partager sur tous les réseaux sociaux. Faites-nous des retours, dites-nous si vous avez aimé ou pas. Vous nous trouvez sur les réseaux sociaux, sur SoundCloud, sur un petit peu partout, sur tout l'Internet mondial. Et puis, on a toujours hâte de dévorer vos retours. Donc voilà pour cette fois, un immense merci à toutes et à tous d'avoir été là, un grand merci à la chatroom, surtout un grand merci au professeur Major qui a fait le déplacement en plus de Genève. Merci à vous, c'était vraiment un plaisir. Et puis merci à Sam de nous avoir dégoté un invité pareil, et bravo pour l'interview, t'as assuré. Et donc on se dit à mardi prochain avec David Loipre pour un épisode en roue libre, et d'ici là, que servir la science soit votre joie.